mal, je finis par être mon clash. Entre les rumeurs et les sons d'humeur, tous les jours on crache. Moi j'évite les faux, moi j'évite les traîtres et les PDH. J'ai jamais dit que je suis king, je me suis jamais pris pour que je ne suis pas. Je me retrouve solo, au final je finis avec mon flash. Entre les rumeurs et les sons d'humeur, tous les jours on crache. Je me teste, je fais la queue. On verra qui est, on verra que. Beaucoup de gens pour percer, te double la queue. À chaque fois je fais un son de pour ma gueule. Nique lui sa maman s'il se fout de ta gueule. Je peux te dire qui est vrai, je l'entends quand on se parle. Je peux te dire qui est faux, je le vois dans son regard. C'est chaud la jalousie, y'en a qui me jette. C'est chaud la haine, le malheur qui me souhaite. Pour du bif, y'en a qui meurent et qui se fêtent. Y'en a qui se battent devant chez toi pour te fumer quand tu sors. Dis-moi tu veux me dester toi, je chante sur Facebook toi. Je fais quand tu baisses toi. Je fais de la monnaie monnaie, ils veulent ma chute mais laissez-les. Je les connais connais, on s'est caponné. Impossible d'arraisonner, y'a des braves, des traits, des balances et des mecs qui peuvent te donner. Moi j'évite les faux, moi j'évite les traîtres et les PDH. J'ai jamais dit que je suis king, je me suis jamais pris pour que je ne suis pas. Je me retrouve solo, au final je finis avec mon flash. Entre les rumeurs et les sons d'humeur, tous les jours on craque. Fais ton petit BDH, ouais un petit faux poteau. Ils parlent de toi alors qu'ils font reine de la journée comme des poteaux. Et regarde les, ils ont encore les dents de lait. Je crois dans un film, moi mon rôle c'est que de les engueuler. On décolle, on passe son nez sur la bécane. L'ange, il démonte sur l'épaule quand il me conseille, l'autre ricane. Je crains pas les cons, moi j'ai pas que je crains pas les balles. Je fais ma life sans m'appuyer, je reste le même, tu vois les bails. Allez MC, vas-y bouge de là. Tu veux des rimes ou un flop, pompe là. Tu veux faire la course, mais tu sais bien qu'on te largue. Qu'on te largue. Moi j'évite les faux, moi j'évite les traîtres et les BDH. J'ai jamais dit que je suis king, je me suis jamais pris pour que je ne suis pas.